Les limites indicibles par Eric Arasim. Diversité construite où se jouxtent nos existences, contingence des vérités multiples par l'écoute des sentiments, de racines en déracinement, aspérité tranchante de nos reflets dans la glace. De corps à corps en métissage à la croisée du sensible. Réticence charnelle sécrète des fréquences inconnues. Relative théorie au pays des merveilles, où les innombrables histoires s'enroulent sur elles-mêmes, jusqu'à disparaître dans des univers parallèles ou dans des coquilles de noix, pour être enfin mangées par des becs voraces. En de funestes augures dessinés dans le ciel. Cette île de chair, prise en étau par la sagesse de l'océan, masse de terre, corps plus sec que la pierre, n'offre aucune résistance. Théâtre rivage qui vit naître Dionysos du sang de la vigne au jardin de Naxos, à nous laisser convaincre du désordre présent. Ailleurs, le vide, une idée, un climat, ambiance de l'invisible à proprement parler. Changement de nature, simple et complexe à la fois. Le masque se rebelle, inaccessible image, aussi fidèle qu'un moulage mortuaire mis en lumière par le souvenir qui s'estompe dans les brumes éthérées d'une fin de spectacle. Décorons ce monde avant qu'il ne finisse dans l'abîme ou à l'état de reflet dans une flaque d'eau. On a cru que la chair aurait été prise comme des raisins clairs dans un pudding. Il n'en est rien. Terminaison nerveuse des corps, cuisine de molécules antiques, particules en ébullition, combinatoire naturel, libération des énergies ridiculement faibles au terme d'une longue lutte dans le fait-tout indigeste. Peinture natale sur les murs de la chambre, évidence du sensible. Croire en la recette du visible, réel. Et supposer, comprendre autre chose par ignorance des arts. Obscure modernité des couches de culture figées nous immerge dans les imaginaires du néant, soulagés de ne pas y trouver de figure plus noire que les abysses. Ici se terminent les limites indicibles par Eric Arasim. Illustration musicale de Pascal Mancarelli. Enregistré par Christiane Johann sous licence CC BY-NC-ND.